Ce que vous devez savoir sur la vaccination contre le Covid. La vaccination contre le coronavirus fait l'objet d'une grande publicité dans le monde entier. Il existe de nombreux points de vue sur le sujet de la vaccination. L'émission d'aujourd'hui présente un aspect rarement pris en compte qu'il faudrait également connaître sur le thème de la vaccination contre le Covid. L'association suisse MAMA a publié une voix dans la newsletter de février-mars 2021 que nous relayons ici dans une version légèrement raccourcie et complétée. La faim justifie-t-elle tous les moyens? Depuis des décennies, la recherche et la technologie biomédicale ont recours au tissu fœtal humain et donc aux cellules d'enfants avortés. Avec la campagne mondiale de vaccination contre le Covid, ce fait prend une dimension plus large et sans précédent. Des informations sérieuses provenant d'organisations américaines de protection de la vie soulèvent de sérieuses préoccupations éthiques. L'appel urgent de l'organisation de protection de la vie LifeSite exige que la biomédecine se tourne enfin vers des alternatives éthiquement correctes. Dans le cas du vaccin contre le Covid, trois vaccins ont été jusqu'à présent fortement promus et utilisés dans la mesure du possible dans le monde entier. Celui de Pfizer-BioNTech, celui de Moderna et celui d'AstraZeneca. Ce que vous devez savoir, aucun des trois vaccins n'est conforme à l'éthique. Il existe avec les trois un lien avec les lignées cellulaires, c'est-à-dire avec les cellules d'un type de tissu qui proviennent à l'origine d'enfants avortés. Même si, à notre connaissance, ni Pfizer ni Moderna n'ont utilisé la lignée cellulaire pour le développement ou la production du vaccin, ces vaccins ont été testés sur de telles lignées cellulaires. AstraZeneca a toutefois utilisé cette lignée cellulaire aussi bien dans le développement que dans la phase de production et de test du vaccin. Concrètement, cela signifie que la lignée cellulaire dite HEK293 a joué un rôle dans les trois vaccins contre le Covid, même si pour certains, elle n'a été utilisée que dans la phase de test. Pour votre explication, HEK signifie Human Embryonic Kidney. Cela veut dire en français rein embryonnaire humain. Et 293 indique le nombre d'expériences réalisées par un chercheur pour développer cette lignée cellulaire. La fausse opinion largement répandue est que le point de départ de cette lignée cellulaire de l'HEK a été fondé seulement sur des avortements individuels dans les années 1960 et 1970. Du point de vue purement technique, le matériel utilisé provient effectivement d'un seul enfant, mais normalement, un chercheur ne parvient pas à obtenir la lignée cellulaire souhaitée au premier essai. Dans ce cas, cela ne signifie pas nécessairement que 293 enfants ont été avortés, mais sans aucun doute beaucoup plus qu'un seul. La biologiste moléculaire et chercheuse de vaccins Pamela Acker des États-Unis soupçonne que des centaines d'enfants ont été avortés. La plupart d'entre eux étaient des enfants en bonne santé du deuxième trimestre de la grossesse, car les organes sont moins développés au premier trimestre. En outre, le tissu fœtal utilisé pour cette démarche devait idéalement avoir été prélevé dans les 5 minutes suivant l'avortement. Dans de nombreux cas, les bébés ont donc été mis au monde par césarienne et sont encore en vie lorsque le chercheur commence à retirer les tissus. La douleur que ressentent les bébés n'est généralement pas atténuée par une anesthésie car ces médicaments affecteraient les cellules à prélever. Ces lignées cellulaires qui ont leur origine dans de tels avortements jouent un rôle non seulement dans le vaccin contre le Covid, mais aussi dans d'autres vaccins. L'effet choquant que nous venons de décrire le montre clairement. Contre un tel type de meurtre et de dissection de fœtus humains, comme s'ils n'étaient que des rats de laboratoire spéciaux, il faut exprimer de graves préoccupations d'ordre éthique. Une recherche qui a pour bannière la sauvegarde de la vie doit aussi préserver la dignité de l'être humain. Nous sommes tous appelés à faire connaître ces faits, à protester contre eux et à faire pression ensemble pour que soient produits des vaccins alternatifs et totalement sans avortement. C'est l'appel de l'association MAMA. Cla.tv a répondu à l'appel de MAMA par cette émission afin que tout un chacun puisse user de son droit de faire sa propre opinion en toute liberté et connaissance de cause.